Així hem començat amb el programa d'avui, la música de la Brigitte Bardot i després d'aquesta cantant tan encantadora, la Lisè, una cantant que ens acompanya en la seva música amb el programa d'avui, cantant i ballarina Lisè Lionnet, nascuda a Jacoté, nascuda el 21 d'agost de 1984 i una de les millors intèrprets del segle XXI que ha donat al món de la música i del segle XX, òbviament, també, perquè aquest àlbum que estem escoltant va ser realitzat finalment el 2013, tot i que estava originalment previst per realitzar-se el 2012, el cinquè àlbum d'estudi d'Alizé. De fet, aquest àlbum es diu així, 5, és a dir, Sanky, Sank. Un àlbum que va tenir dos senzills realitzats abans, un ja l'hem escoltat ara mateix, l'altre l'escoltarem ara a continuació. Dos temes que ens mostren a les clares que aquest àlbum és un dels millors de la seva trajectòria artística, tot i que, com sempre, hi ha opinions. Per... Fais des pirouettes ou un sourire. Fais pas la tête, ce serait pire. Envoie des clowns ou un gros chèque. Un dernier poun à mes obsèques. Peux-tu me pincer ou pousser un cri pour que j'oublie? Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de désir. Je veux bien parler pour ne rien dire. Je veux bien t'aimer. Du poil à gratter, un coussin pétard dans ma salle à manger, dans ma soupe au malheur. Fais donc semblant de te casser la gueule pour me passer le temps que je sois moins seule. Je veux un bébé mais un comique, je veux le bercer mais en musique. Peux-tu me scotcher pour que je reste ici? Non, sois gentil. Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de désir. Je veux bien parler pour ne rien dire. Je veux bien t'aimer, mais faut pas le dire. Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de plaisir. Na na na na na na na na na na na na. Putain de crise de manque de tour qui me paralyse, ça je l'avoue. C'est vrai que je suis indécise, mais j'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous. J'ai mis dans mon sac toutes mes promesses et dans mon cœur toutes mes passions. Quelques pansements pour mes maladresses, un iPod de contrefaçon. J'ai mis dans mon sac tous les sourires qu'il m'était donné de croiser. J'y ai mis tes soupirs quand je t'ai dit que je partais. Je pars pour ma vie, portée par la nuit. Je pars en silence, portée par ma chance, portée par le vent. Je pars maintenant. J'ai mis dans mon sac ce vieux miroir pour revoir ma vie à l'envers. J'y ai mis ce beau cuir noir qui faisait tant pleurer ma mère. J'ai mis dans mon sac toute l'indifférence qu'il m'était donné de croiser. J'y ai mis ton silence quand je t'ai dit que je partais. Je pars pour ma vie, portée par la nuit. Je pars en silence, portée par ma chance, porté par le vent. Je pars maintenant. Je pars maintenant. La cançó d'Ens Massac, aquesta que acabem d'escoltar, també va ser realitzada com a senzill promocional del disc, ja quan aquest donava les seves darreres fotejades. L'11 de febrer de 2013 es va promocionar a través del compte oficial de l'Iser a YouTube. Escoltarem un parell de cançons més que hem triat d'aquest àlbum, que té bàsicament com a compositors principals en Thomas Bullard, que ens aportava doncs la majoria de les cançons d'aquest disc. Escoltem l'Iser amb el seu disc 5 d'aquest 2013, amb un parell de temes més, com hem dit. Tu me dis que le monde est à refaire avec ta chemise à défaire, que certains n'ont pas de toi et toi veux-tu de moi. Tu me dis que si ça continue notre espèce aura disparu, mais je ne t'écoute pas. Alors si j'étais toi, je chanterais la la la. Si tu savais, tu chanterais yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tu me dis que le plus important c'est d'être beau en dedans comme toi, en dehors qui parle aux vieux comme à des morts. Je n'ai pas d'idée sur la question, pas d'avis, pas d'opinion, mais je sais ce que je veux. Alors si j'étais toi, je chanterais la la la. Si tu savais, tu chanterais yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Jeune fille, j'ai pas le temps, jeune fille, tout est devant. Jeune fille dans le décor, jeune fille, j'oublie la mort. Jeune fille, le regard des autres, jeune fille, c'est pas de ma faute. Jeune fille, j'ai pas le temps. Alors si j'étais toi, je chanterais la la la. Si tu savais, tu chanterais yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. fais jamais semblant de faire si tu es. Esteu escoltant Ulala Music. Les valises pleines d'illusions, on s'est embarqué un matin, loin de nos femmes, de nos maisons. Hollywood, tu sais, c'est fantastique. Santo a trouvé un travail dans le cinéma. Et moi je fais de la musique. On sera bientôt des stars, maman. Surtout, ne t'inquiète pas. Embrasse toute la famille. Ti amo, maman. Le soir au quartier italien, j'usais mes doigts sur ma guitare. On partageait entre demain, je serai de retour chez nous, en Sicile. Invite Lily, Maria, Giuseppe et toute la famille Baracato. Et après le déjeuner, comme au mariage de Rosetta, je chanterai pour toi ta chanson préférée. Et puis, on dansera tous les deux la tarentelle, maman. Écoute, c'est ton fils qui chante. Les Italo-Américains parlent les ricains avec leurs mains. Mais quand Doncs bé, el protagonista amb aquesta gairebé segona part del nostre programa del dia d'avui de Hola La Music és en Frederic François, nascut com a Francesco Barracato el 3 de juny de 1950 a Licarda Fridi, i això era a Sicília, un cantant però que va portar la música francesa a un altre nivell, la música cantada en francès, perquè de fet ell viu a Bèlgica. Va néixer el 3 de juny de 1950. Al llarg dels anys ens ha portat moltes i molt bones cançons que avui volem recordar amb algunes d'elles. Comencem des del 1995 amb aquest tema que hem escoltat, aquest Les Italo-Americans, que ens portava aquest personatge. I podem continuar amb moltes altres cançons, per exemple, una en directe. Què us sembla si escoltem L'amor se'n va? Amb aquesta peça que, si no recordo malament, és del 1988, però l'escoltarem en directe des de l'Olimpia de París del 1998. D'amour qui doivent se cacher pour s'aimer. Un soir, un rendez-vous quelque part dans un endroit discret. On s'embrasse et puis on dîne face à face au petit jour après l'amour. Tu pars, me laissant seul dans le noir avec mes rêves fous. Une nuit ne suffit pas pour t'aimer comme j'en ai envie. J'aimerais faire avec toi des coups de cœur, des coups de folie. Une nuit ne suffit pas pour t'aimer comme je l'ai choisi. Je veux vivre avec toi toutes les choses de la vie. Tu viens en apportant dans tes mains tout le soleil qu'il y a ailleurs. Ici, quand tu es loin, tout est gris, j'ai des nuages au cœur. Un jour, on ira fêter l'amour pour ne plus jamais se quitter. Et moi, je serai si fier de toi, de vivre à tes côtés. Une nuit ne suffit pas pour t'aimer comme j'en ai envie. J'aimerais faire avec toi des coups de cœur, des coups de folie. Une nuit ne suffit pas pour t'aimer comme je l'ai choisi. Je C'est une histoire d'amour qui doivent se cacher pour s'aimer. Nous deux, c'est une histoire d'amour qui ne finira jamais. Une vie ne suffit pas pour t'aimer comme j'en ai envie. J'aime També l'hem escoltat en directe amb aquesta peça del 1987. Frédéric François l'hem recordat amb alguna de les cançons que ens portava per al programa d'avui. Ja sabeu que el que ens interessa és escoltar música. Per tant, d'aquest disc, d'aquestes 20 cançons, escoltarem una peça anomenada Sylvie. Sylvie, arrête de pleurer. Sylvie, j'ai le cœur déchiré. Demain, au lever du jour, le train brisera notre amour. Sylvie, arrête de pleurer. Sylvie, je dois te quitter. Le temps te fera oublier l'enfant qui t'a trop aimé. Je sais bien Arrête de pleurer, Sylvie, s'il faut se quitter, tu sais que je reviendrai, je t'aime, ne l'oublie jamais, regarde. L'oiseau qui s'éloigne, regarde, il cherche une compagne. Mais moi, je ne chercherai pas. J'espère que tu m'attendras. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Y en a qui lèvent des gaz au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du quotidien dans l'Oulême. Mais y'en a même qui militent dans la rue avec trois petits banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex-symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de la bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Y'en a même qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn de bois sera jamais en machine. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix et elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Le blues. Le blues. Y'en a qui sont bonnes sœurs, avocates, femmes anciennes. Y'en a qui ont tout dit quand ils ont dit je t'aime. Y'en a qui sont vieilles filles du côté d'Angoulême. Femme libérée, qui joue joie et cardinal, qui mélange vie en rose et image et vivale, qui veut se faire du bien sans jamais se faire de mal. Mademoiselle, chante le plus, sois pas trop jalouse, mademoiselle bonne rouge. Recte final de l'espai d'aquesta setmana i amb la música d'una artistassa amb majúscules, la Patricia Kaas, nascuda el 5 de desembre del 1966, artista de pop, de cabaret, de jazz, de chanson, també nascuda a Fort Bach, a Lorraine, i que ens aportava des del 1985 extraordinàries cançons, algunes de les quals resumides amb aquest àlbum que avui repassem, aquest Best Of, el millor d'ella, del 1987 al 2001, i és que, de fet, el primer senzill que va publicar era una peça que no s'hi trobava, inclòs aquest Angelus, que va passar sense pena ni glòria al 1985, però sí aquest Mademoiselle Chant le Blues, que va ser un número 7 a França al 1987, o aquest d'Alemany, que va ser un número 11 al 1988. Són les cançons amb les quals va començar a destacar. Després, el mateix any, també va treure les que escoltem després, Mon Mec Amor, que va ser un número 5 també al 1988. Patricia Kaas. D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. D'Allemagne, je connais l'essence interdite. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, Wiedersehen, Lili Marlène. Reparlez. Frontière vous rassure. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent des valses viennoises ordinaires. Oh, Wiedersehen, Lili Marlène. Reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans notre Allemagne. À l'heure où Colombée vautour s'éloigne, de quel côté du mur la frontière vous rassure. Ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui

artiste peintre ou comédien, souvent les hommes qui pensent maman m'offrent toujours une jolie chambre avec terrasse. Les hommes qui parlent pourtant, qu'est-ce que j'aimerais.